l'exhaleur. J'ai le monde entier coincé dans la céphale. Accentif à la alignée, à la queue ancestrale. Dis-moi, ça sert à quoi d'aligner des rimes sans message? Le désarroi ne reste jamais en place sur son piédestal. Sine qua non, par définition c'est ça ou rien. J'investis ce que je suis, j'ai pas la maille des émirs saoudiens. Au cœur épi, 7 sur 7, c'est pas du rap daoussien. Les projets se succèdent et jusque là tout va bien. Je me fraye un sentier, j'essaye de rester sur les rails. Parce que je sais que c'est du luxe de se faire payer des funérailles. De la capitale jusqu'à ma zone, que le ciel est pardonne de croire que tous les chemins mènent à l'homme. L'exhaleur, millimatome, en guise de premier album, repartir à zéro, indivisible comme l'atome. Je prêche la bonne parole qui fait du bruit, qui scie les canons, sine qua non. Mec, je reste hip hop, sinon quoi d'autre? À l'heure qu'il est. Millimatome, en guise de premier album, repartir à zéro, indivisible comme l'atome. Je prêche la bonne parole qui fait du bruit, qui scie les canons, sine qua non. Mec, je reste hip hop, sinon quoi d'autre?